Mi si sol si sol si sol si sol ré sol mi sol la ré pour fa ré pour fa la ré pour ré si sol mi sol mi sol si sol si sol si sol ré sol mi sol po si mi sol po si ré sol mi sol mi sol si sol si sol mi sol mi sol si. Oui, cette mesure est 200 millilitres d'eau. Voilà, tu secoues, tu le roules dans les mains comme je t'ai montré. Johnny est un chanteur belge, de Solène Denis. Mais non, tu chauffes pas, elle a l'habitude à température, tu sais quand même. Troisième épisode. Voilà, et le prochain tu lui donnes vers midi. D'accord, allez, je te laisse, il y a Julie qui est réveillée. Oui, tu te débrouilles très bien, mon amour, t'inquiète pas. Allez, tu m'appelles si tu galères. Oui, à toutes. Allez, ciao. Oh putain, il s'en sort pas du tout, le pauvre, là. Ça va? Je te sers un café? T'as bien dormi? Ouais, j'ai entendu les voisins s'ébattre toute la nuit comme des bêtes. Je te jure, le mur, c'est du papier calque. Il y avait presque les ondes chinoises. Ah bah, j'ai dormi comme un bébé, moi. Enfin, un bébé qui dort, quoi. Pas comme ma fille qui se réveille trois fois par nuit. Je suis abonnée à l'anti-cerne, à une sexualité en berne. Eh ben, les voisins, ils ont pas d'enfants. Enfin, pas encore. C'est le café de la proprio? Ouais. Ah ouais. Deuxième jour, y a plus de pitié, quoi. Hello, les filles. Anaïs, dans la baignoire, hein. Quoi? Pipi, c'est dans la baignoire tant que le plombier est pas passé. On est obligé, hein. Sinon, ça va déborder. Mais il vient quand, celui-là? On a déjà bousillé notre après-midi à attendre comme des quiches. On va pas y passer la journée encore. Ah, écoute, je vais laisser un message avec le numéro de la proprio, comme ça, je vois direct avec elle, et nous, on pourra enfin se faire Bruxelles, quoi. Du miel? C'est hyper bon, le miel, dans le café. Bah, tu vas pas... Je me suis pissée sur les pieds, c'est chiant, ce truc de baignoire, là. Bon. Moi, je prends la salle de bain. Et vous vous grouillez, les filles, on a un gros programme si on veut rattraper l'air. Hein. Tu défonces pas le ballon d'eau chaude, hein. Tu veux du miel? Ouais. T'as pas essayé de me tripoter cette nuit? Non. J'avais cru. À un moment, tes pieds ont cherché mes pieds. Oh, j'ai rêvé de la proprio. Ouais? Un rêve érotique? Non, un rêve con. On était au bord d'une rivière et elle faisait des ricochets, tu vois, et ça m'agaçait parce que moi, j'y arrivais pas. Et puis j'ai remarqué qu'elle avait des fleurs qui lui poussaient sur les omoplates, des narcisses blanches. Et c'était assez beau d'ailleurs. Alors, j'ai voulu en cueillir une, mais elle s'est retournée et à ce moment-là, en fait, c'était ma mère. Sauf qu'elle avait la tête de ma meuf, mais je savais que c'était ma mère, tu vois. Et en fait, on était au restaurant et elle me disait de surtout pas prendre l'arrêt au beurre noir parce qu'elle n'était pas fraîche et elle commandait un tartare de bœuf. Alors que j'ai horreur de ça. Alors j'étais dégoûtée. Voilà. Tu fais souvent des rêves de ouf comme ça? C'est pas si ouf, hein. Freud trouverait ça même carrément simpliste. Non, mais moi je fais que des rêves pourris. Genre que je fais mes courses. C'est super énervant d'avoir une vie nocturne absolument inintéressante. Une machine qui répond même pas à mes textos. Tu lui as renvoyé des smileys? Ouais. Même celui qui vomit. On a un vrai problème de communication, je crois. C'est pas le bon mec. C'est jamais le bon. Ça fait combien de temps, lui et toi? 3 semaines. Sois patiente. Et offensive. Offensive? Ouais, attaque, quoi. Un smiley, c'est un peu impersonnel, alors dis-lui des trucs vraiment, ce que tu ressens, ce que tu veux. Tiens, dis-lui ce que tu veux. Vas-y, regarde, on fait un jeu. Imagine, je suis lui, là, qu'est-ce que t'as envie de lui dire? Je sais pas, voilà, moi, j'aimerais que tu trouves que je suis la femme la plus spirituelle et drôle et intelligente du monde. Et que tu me dises que je suis belle comme une statue de la Renaissance italienne et que t'as jamais aimé personne comme ça. Tellement c'est fort que t'as l'impression que ton cœur il va exploser d'amour et se répandre en un millier de petits morceaux brillants comme des diamants qui vont féconder la terre et faire naître la paix dans le monde. Ouais. Non, finalement, fais plutôt un smiley. Je suis inadaptée à la vie. Bon, à qui le tour? Moi. Non, moi. Julie, non. Oui. Non, t'es en mode dépressive, là. Tu vas rester une plombe sous l'eau à pleurer pour pas qu'on t'entende et j'aurai plus d'eau chaude après. Merde. Romy, j'arrête l'eau une fois que mes larmes auront rejoint la mer. Il va pas te lâcher, celui-là? Oui, lapin. Ouais, dis-moi. Oui, c'est pas grave, tu ne peux pas quitter mon jour. Bah, c'est ça le mannequin pis? Un micro-pénis? Bah ouais. C'est pas vraiment un mec qui pisse. Non, méné, ça veut dire gamin. J'ai vu dans le guide. Mais tu t'attendais à quoi, Anaïs? Bah un gros chibre, une grosse fontaine. Un vrai truc pour touristes, quoi. Bon bah voilà, c'est juste un gosse qui pisse à la gueule. Bon, mais c'est quand même bien de l'avoir vu. Bon, on s'arrache? Ouais. Hé, les filles, on mange des frites? Pas ici, Julie. Hein. Pourquoi pas là? Parce qu'ici, c'est pas les meilleurs. Mais on s'en fout, il est déjà 14h. Non, non, non, va à la maison, Antoine. Oh, tu saoules. Alors, attends, laisse-moi voir le plan. Alors, c'est loin? On loue des vélos? Non, non, c'est trop loin, on va prendre le métro. Attends, on va prendre le métro pour aller manger des frites, alors que je crève la dalle et qu'il y en a partout ici? Exactement. Je te rappelle que ce sont les meilleurs selon le New York Times. Oui, on s'aime. Bon, bah, je m'achète une gaufre alors, pour patienter jusqu'aux frites. Mais les meilleures gaufres, c'est pas là. C'est... Je m'en fous. Je veux une gaufre. Mais non, mais c'est les trucs à touristes, là. Mais ça suffit, là, Sarah. On a fait ton musée Magritte, ton musée Beaux-Arts, j'ai vu des tas de croûtes et j'ai rien dit. Ah, non, j'ai faim, alors on se pose 2 secondes. Moi, je boirais bien une bière. Et tu réponds pas. Tu bois une bière avec nous, tu réponds pas. Va bien se débrouiller. Il n'est pas plus con qu'un autre, Marco. Et ta môme, c'est pas un monstre. Il va y arriver comme s'il arrive tous les jours. C'est parce qu'il a... Non, Sarah. Non, ça t'a dit quoi, Sarah? Il faut se calmer. C'est parce qu'il avait rendez-vous chez Teddy Army. Mais non, mais non. Tu vas bien. Tu vas te détendre. Tu vas oublier les 3/4 des trucs que je vais demander à dire. C'était Johnny est un chanteur belge de Solène Denis. Avec Maëlys Ricordo, Julie. Élodie Hubert, Sarah. Marie-Odile Weiss, Anaïs. Et les voix de Mathieu Rochevarger, Yana Bitnerova, Fosco Perinti, Christina Scagliotti, David Bossian, Christina Crévillienne et Yvette Caldas. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage, mixage, Philippe Bredin et Emmanuel Armingue. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Pascal Deux.